إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Aujourd'hui, inshallah, on va prendre la 40e, 41e, 42e question de Al-Mabadi al-Mufida. فقال المؤلف حفظه الله تعالى: فإذا قيل لك هل أحد غير الله يعلم الغيب؟ فقل لا أحد يعلم الغيب إلا الله، والدليل قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقوله تعالى: قل إنما الغيب لله، وقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Donc la 41e question, qui est: si on te dit, est-ce qu'un autre que Allah connaît l'invisible? Al-Ghaib, c'est quelque chose d'invisible, ou également le futur. Choses qui ne sont pas apparentes devant nous. Dit, personne ne connaît l'invisible à part Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit, et Allah n'est pas à dévoiler l'invisible. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, il ma'ana, dit, l'invisible n'appartient qu'à Allah. Wa qawluhu, subhanahu wa ta'ala, fil ma'ana, et auprès de lui se trouvent les clés de l'invisible, que personne ne connaît à part lui. Fahadi Mas'ala, qui concerne le fait de connaître l'avenir, Ibn al-Qayyim a cité déjà une chose qui était rapportée dans Salasat al-Usul, que les têtes d'Arout sont de 5. La première, c'est Iblis. La deuxième, c'est quelqu'un qui a adoré, qui a agréé cela. La troisième, c'est quelqu'un qui appelle à être adoré. La quatrième, justement, c'est l'al-shahid, c'est quelqu'un qui prétend connaître la science de l'invisible. Et la cinquième, c'est quelqu'un qui juge par autre que loi d'Allah. Donc, revenir à prétendre connaître l'invisible, cela est de la mécréance. Hada kufrun. Celui qui prétend cela, c'est un tarout. Et celui qui le croit aura démenti toutes les preuves que nous avons citées auparavant dans le sujet. Car des preuves, il y en a d'autres. Il n'y a pas que celles-ci. Elles sont bien nombreuses par rapport au ilm al-ghayb. Wa al-muhim min dhalik, qu'il n'y a personne qui soit en mesure de déclarer l'avenir. Les choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclarées à son époque, qui arrivent aujourd'hui, qui sont arrivées avant ou qui arriveront par la suite, sont des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé le savoir. Il ne connaît pas de lui-même. Comme quand Allah an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam في كتابه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Dit, si jamais je connaissais l'invisible, j'aurais certes profité et le mal ne m'aurait pas touché. Je ne suis qu'un avertisseur pour un peuple qui croit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit qu'il ne connaît pas l'invisible. Ce qu'il a informé sa communauté des choses du futur ne sont dues qu'à la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée à lui seul. Et on trouve des gens, malgré cela, qui parfois arrive à donner des informations qui s'avèrent être vraies, parfois. Ça, c'est dans le Kitab Tawhid, c'est un chapitre qui est venu, que les shayatines, dans les cieux, montent les uns sur les autres. Ils viennent pour voler les informations. Et ils se font lapider par les météores, on pourrait dire comme ça, shihab. Et parfois, l'information arrive à parvenir jusque sur Terre. Et de là, les gens qui travaillent avec les shayatin, parmi les voyants, astrologues, devins, ouvrez les alika, ce sont des gens qui font du shirk billah, pour pouvoir se servir des shayatin, des djinns, qui leur informent des choses qu'ils ont pu voler, comme information. Donc il vient, il te donne 100 informations, et parmi les 100, une seule est vraie. Tout le reste, c'est que du mensonge. Et le problème, c'est que les gens, lorsqu'ils voient une chose qui est vraie, ils oublient tout le reste. Donc de là, ils se font avoir. Et en réalité, personne ne connaît l'avenir. Et celui qui prétend le contraire aura mécru. Et celui qui le croit également aura mécru. Donc le ghaib, hadha min sirillah. C'est parmi les choses que seul Allah connaît. Wa ba'da hadha, dhakara al-mas'ala al-wahid wa arba'in. Wa yatabi' li hadhi al-mas'ala al-sabiqa. Faqala al-mu'allifu, hafidha Allah ta'ala. فإذا قيل لك متى تقوم الساعة؟ قل أمر الساعة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله ودليل قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وقوله تعالى إليه يرد علم الساعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. Donc la quatrième question qui elle-même est liée à la précédente, c'est le même sujet, juste que l'autre est plus général et celle-là plus spécifique car elle touche à l'heure. Car elle dit, si on te demande, s'il t'est dit, quand est-ce que l'heure arrivera, dit l'heure fait partie des choses invisibles que nul ne connaît à part Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la preuve elle est par Allah, dans le sens où il dit, auprès d'Allah se trouve la science de l'heure, le savoir de l'heure. Et sa parole, dans le sens, Azza wa Jal, à lui revient la science de l'heure. Ou à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne sait quand se lèvera l'heure à part Allah. Apporté par le Bukhari d'après Ibn Umar, radiallahu anhuma. Al-Muraduna bis-Sa'a, ce qui est voulu ici par Sa'a, c'est Sa'a al-Kubra. Car Sa'a, elle a été mise en deux catégories. L'heure majeure et l'heure mineure. L'heure mineure, c'est la mort de chaque personne. Sa'a al-Sughra, c'est la mort de chaque personne. Ou al-Kubra, c'est la fin des temps. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala détruira tout ce monde. Et c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a averti qui arrivera. Et aux prémices de cette heure, il a mis des signes pour pouvoir savoir au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. D'ailleurs, parmi les signes de l'heure, on l'avait pris dans les Masail qui précèdent, parmi les signes de l'heure, il y a l'envoyé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'étais envoyé, moi et l'heure, comme ces deux-là. Il a joué entre son index et son majeur. Et cette heure, elle a des signes. Des signes, des grands signes, des petits signes. Les grands signes, pour l'instant, ne sont pas encore déroulés. Mais plein des petits signes sont déjà venus. Pour démontrer que l'heure est très proche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne connaît pas l'heure. Comme cela est dans le hadith de Jibril, apporté par Muslim. Hinama su'ila, mata sa'a. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Parce que Jibril lui a dit, quand est-ce que l'heure a-t-elle lieu? Il a dit, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui interroge. Ce qu'on sait par contre, c'est que cette heure aura lieu un vendredi, Yom al-Jumu'ah. Comme cela est venu dans le hadith d'Abu Huraira, rapporté par Muslim. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur jour sur lequel s'est levé le soleil, c'est le vendredi. C'est le jour où Adam a été créé, alayhi salam. C'est le jour dans lequel il était rentré au paradis, au Jannah. Et c'est le jour où il en a été sorti. Et l'heure ne se lèvera pas si ce n'est le jour du vendredi. Et même il était dit qu'elle viendra après le Fajr. Mais quel vendredi, on ne sait pas. Le vendredi en lui-même, on ne le connaît pas. Ça, ce sont juste des indices. Donc l'heure, personne ne la connaît. Et celui qui prétendrait connaître l'heure, cela reviendrait à ce qu'on a dit précédemment, l'amènerait à démentir les preuves. Les preuves stipulées démontrant que seul Allah connaît l'heure. Quand est-ce qu'elle aura lieu? Et que même la meilleure des créatures, qui sont prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'en a pas été informée. Et là, Shir Abdurraqib al-Kokabani donne une faïda. Il dit, plutôt que demander quand l'heure aura-t-elle lieu, chose que tu n'auras jamais de réponse, il dit, demande plutôt quels sont ses signes. Par exemple, chose qui fait monter la foi, car on voit que justement les signes de la prophétie sont véridiques. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, cela s'accomplit. Comme cela, par exemple, a été stipulé dans le hadith de Jibril, rapporté par Omar, par l'imam muslim, qu'on a dit auparavant. Lorsqu'il a été interrogé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne connaissait pas l'heure. Lakin qal, wa sa'ubiruka an amaratiha, an talid al ama rabbataha, wa antara al hufata al ghurata ghula al sha'. Al-Ala, Roa et Sha, yatatawaruna fi bunyan. Lorsqu'il a été interrogé, il a dit, je ne la connais pas, mais je peux t'informer de ses signes. Parmi eux, lorsque la servante mettra au monde sa maîtresse. Lorsque tu verras les va-nu-pieds, les pauvres et bergers se concurrencer dans l'élévation des bâtisses, c'est-à-dire faire de hauts immeubles ou de grandes maisons. Par exemple, cela est parmi les signes de l'heure. Et ces signes, parmi eux, certains sont déjà apparus. Donc celui justement qui connaît les signes de l'heure et qui les voit apparaître, il s'y prépare. Si il sera de ceux qui seront encore vivants, lorsque cette heure apparaîtra. Et l'autre question à se poser par rapport à l'heure, que le shir dit aux gens, qu'il y en a un conseil aux gens de se poser comme question, plutôt que de demander quand est-ce que l'heure elle aura lieu, il dit, وَمَاذَا أَعْدَدْنَا لِسَّارَ Qu'a-t-on préparé pour cette heure, justement? Qu'avons-nous pris comme bagage au point de vue des ribad, des récompenses, lorsque cette heure arrivera? Comme cela est venu dans les deux authentiques, selon Anas, radiallahu anhu, أَنَا رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَ السَّاعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالْ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا قال ما عددت لها من كبير أو من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببته. Donc un homme a interrogé le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم quand est-ce que l'heure aura-t-elle lieu. Il a dit, qu'as-tu préparé pour cette heure, justement? Il a dit, je n'ai pas préparé beaucoup de salat, ni beaucoup de jeûne, ni beaucoup d'aumône, cependant j'aime Allah et son messager. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, tu feras avec ce que tu aimes. L'homme sera avec les gens qu'il aime. Donc cette heure, nul ne la connaît. Seul Allah subhanahu wa ta'ala la connaît et nous informe des signes, afin qu'on ne s'y prépare. Car cette heure sera un jour terrible. Nasallahu alayhi wa sallam. Et même chez les gens du livre, la fin des mondes, ce qu'ils appellent Armageddon ou des choses dans le genre, une chose qui est citée. Donc normalement, les gens du livre, eux-mêmes également, sont censés y croire. Car les prophètes ont averti de cette heure. À leur peuple. Ou leur peuple. Naam. Thumma qala al-mu'allif hafizahu Allah ta'ala. Al-mas'ala al-thaniya wa arba'in. Fa'idha qila lak kam shurut qabul al-amal. Fa'kul thalathatun. Al-islamu fal-kafiru la yakbalu Allahu amalah. Wa'ad-dalilu qawlu Allah ta'ala. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا وَقَالَ تَعَالَى إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ثانياً الإخلاص والدليل وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وفي حديث أبي هريرة القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى شركائي عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم. وثالثا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس علي أمرنا فهو رد أخرجه مسلم. Donc la deuxième question qui est, si on te demande combien y a-t-il de conditions pour qu'une action soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit 3. À la base, tanbih, les ulama, en général, ce qui est connu, c'est 2. Mais Shia Yahya, fidallahu ta'ala, a rajouté une troisième, et haz al-kol, la ouhaj, c'est une parole qui est tout à fait sensée. Elle ne s'oppose pas aux autres. Ce n'est pas une chose nouvelle ou quoi, il a des salafs en cela. Ce n'est pas une chose nouvelle, car la condition qu'il a appliquée va de convenance avec les autres. C'est un petit peu comme les shurut de la ilaha illallah. Certains ont dit 8, certains ont dit 7. En rajoutant, elle kufr bit ta'arut, le fait de m'y croire au ta'arut. Certains disent que ça rentre dans les autres. Et certains d'autres disent non, c'est une chose qui est en plus. Ben là, c'est pareil, l'islam, comme le cheikh l'a cité, la première condition c'est l'islam, car il est connu que le kafir, ses œuvres ne sont pas acceptées. Naam. Fakol. Il dit, l'islam. Ainsi, Allah n'accepte pas l'action d'un mécréant. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit, nous avons considéré ce qu'ils ont fait comme action, et nous en avons fait de la poussière éparpillée. Et sa parole, Azza wa Jal, Allah n'accepte que des pieux. Et là, dans le verset, el-muttaqin ma'na al-mu'minin. Fussira bil mu'minin. Ça a été interprété par étant les croyants, les pieux. Car même des gens qui sont parmi les croyants, qui ne sont pas pieux, leurs actions peuvent être acceptées. Naam. Deuxième condition, la sincérité. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit « Et il ne leur a été cependant ordonné que d'adorer Allah en lui vouant sincèrement le culte. » Et dans le hadith Qudsi, c'est-à-dire une parole d'Allah directement révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a dit, je suis le plus en droit parmi les associés de me passer de l'association. » Les associés, c'est-à-dire je n'ai besoin de personne. Celui qui fait une action m'y associant avec un autre, je le délaisse lui et son association, apportée par Muslim. Et troisième condition, le suivi prophétique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve, c'est le hadith de la mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque fait une action qui n'est pas dans notre religion, cette action est rejetée, apportée par Muslim. Donc cet islam, comme le cheikh a cité, est la première des conditions. Car sans l'islam, Allah n'accepte rien. Comme a dit Allah, « وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْلِ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَوَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ » Que celui qui choisit une autre religion que l'islam, elle ne sera point acceptée. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Qu'a dit Allah, Inna dina indallahi al-islam. Certes, la religion près d'Allah, c'est l'islam. Donc, autre que l'islam, Allah ne l'accepte pas. Et dans un hadith rapporté par Anas, selon Anas, rapporté par un musulman, qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah la yazlim mu'minan hasana, yu'ti biha fi dunya, wa yujzi biha fi l'akhira. Wa yujza biha fi l'akhira. Wa amma al-kafiru, فَيُطْعَمْ بِحَسَنَاتٍ مَعَمِلَ بِهَا اللَّهُ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْدَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes Allah n'est pas injuste envers le croyant ne serait-ce que d'une hasanat, une seule bonne action. Il lui donne dans ce bas monde et il le récompense dans l'au-delà. Quant au mécréant, lui, en fait il est nourri par ses bonnes actions. C'est-à-dire, la bonne action que le mécréant commet en ce bas monde, elle lui sera rendue par son risque, sa subsistance, mathalan. Et ensuite, fil akhira, il n'aura plus de hasanat. Yom al-qiyama, il n'aura plus rien. C'est pour cela que le kafir espérera être, avoir été de la poussière ou de la terre. Comme on dit, wa yakulu kafiru ya laytani kuntu turaba. Que le mécréant dira, pauvre moi, que je n'étais de la poussière. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an Aisha qalat qultu ya rasulullah ibn jad'an kana fil jahiliyati yasil ar-rahim wa yut'im al-miskin fa hal dhaka nafi'uhu qala la yanfa'uhu innahu lam yaqul yawma rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Selon Aisha, apporté par Muslim, que elle a dit: ô messager d'Allah, Ibn Jad'an, dans la Jahiliya, dans l'époque pré-islamique, il entretenait les liens de parenté. Et il nourrissait le pauvre. Est-ce que cela lui sera profitable? Il a dit, cela ne servira à rien. Car il n'a jamais dit, ne serait-ce qu'un jour, Seigneur, pardonne-moi mes fautes le jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été un musulman croyant au point d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Et min rahmatillah, le kafir, lorsqu'il fait des bonnes actions dans la jahiliya et par la suite il se soumet à Allah et se convertit sincèrement, ses bonnes actions lui sont comptées. Comme cela a été rapporté dans le hadith rapporté par Al-Hakim ibn Hizam. Qala ya Rasulullah, ra'aita a'malan kuntu atahannathu biha fil jahiliya min sadaqah wa aitaq wa silat ar-rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, aslamta lama salafa min khayr. Qui lui est dit, au messager d'Allah, vois-tu des actions que je commettais par dans le passé, comme aumône, ou comme libération d'esclaves, ou comme entretien des liens de parenté. Il lui a dit, tu t'es converti avec ce qui t'a précédé comme œuvre, c'est-à-dire toutes tes œuvres passées te sont acceptées. te sont acceptées. Elles sont toujours comptées. Ou également, une bonne nouvelle pour ceux qui étaient des gens du livre. Comme a dit le hadith Abi Moussa al-Ash'ari, Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qu'a dit « Thalathatun lahu lahum ajran » وهذا هو الشاهد رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit trois auront deux récompenses c'est-à-dire deux fois la récompense et là on va juste se contenter de citer l'un d'entre eux ce qui est le shahid c'est un homme des gens du livre c'est-à-dire qui était un juif ou un chrétien qui a cru en son prophète c'est-à-dire avant qu'il ne soit musulman il croyait en son prophète et par la suite il a cru en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Lui aura les deux récompenses, celle d'avant et celle d'après. Mais s'il ne se convertit pas, il n'aura rien du tout. Donc la première condition, c'est l'islam. Naam. Deuxième condition, c'est l'ikhlas. La sincérité. Que ton œuvre ne soit vouée que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'une des principales preuves de ce fondement, c'est le fameux hadith de Omar, Ibn Khattab, radiallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى que les actions ne veulent que par l'intention et que chacun sera rétribué en fonction de son intention. Donc les hadiths sont bien nombreux démontrant la preuve que celui qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, son œuvre lui est acceptée. Si elle suit les autres conditions, la première qui était citée, celle qui va suivre par la suite. Qu'il faut être sincère envers Allah. Car celui, par exemple, qui fait de l'ostentation, par exemple, qui fait les choses pour que les gens le félicitent, ou que les gens fassent son éloge, ou être aimé par les gens autre que par Allah, que par autre que Allah, je veux dire, cela rend dans le riya. Et le riya, ou un shirk ou le khafi. C'est le shirk, l'association qui est cachée. Et c'est la plus dangereuse, celle qui est la plus à craindre pour les gens de la sunna. Quand on ne verra pas des gens de la sunna, par exemple, commettre des adorations pour autre que Allah, comme par exemple, elle se joue de l'irélillah, se prosterner pour autre que Allah, égorger pour autre que Allah, ou réalisalika ibn shirk al-zahir. Tout ce qui est association qui est bien apparente. Cependant, la chose la plus dangereuse pour le sunni salafi, c'est ce point-là. Al-shirk al-khafi, al-riya, l'ostentation, ou al-suma'a. Le fait que tu veuilles qu'on entende parler de toi, la réputation. Et cela peut être une cause que toutes les actions précédentes soient effacées. فَنَسْأَلَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمْ مِنْ ذَلَكَ الْبَلَاءِ وَجَاءَ كَذَلِكَ حَدِيثَ النَّبِيِّ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ رواه مسلم. Selon Abu Huraira, que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit certes que Allah ne regarde pas vos corps, ni vos apparences, mais regarde vos cœurs, dans une version importante, et vos œuvres. Et chacun en mesure de ses moyens. Car être beau est une chose qui est demandée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est-à-dire s'embellir en fonction des moyens, avoir des beaux vêtements, être très propre sur soi et rien de zalika. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala regarde ce qu'il y a dans les cœurs en premier lieu. C'est-à-dire celui qui est sincère. D'accord, celui qui est sincère. Et dans une version, il regarde les œuvres. Et la troisième condition de l'acceptation des actes, c'est le suivi prophétique, comme nous l'avons dit, avec le hadith de Aïcha à la clé. C'est-à-dire que tu ne peux accomplir une action sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'ait enseigné. Sans quoi, on tomberait dans ce qu'on appelle al-bid'a, l'innovation en religion. Et cela va venir, inshallah, dans le livre, par la suite, qu'est-ce que la bid'a ? Qu'al ta'ala, fa'ma'aza ba'dal haqqi ila dhalal. Et qu'y a-t-il donc après la vérité, si ce n'est l'égarement ? C'est-à-dire que la vérité n'est qu'une. Donc les actions acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala ne sont que d'une forme, celles qui sont conformes au suivi de la sunna. En dehors de cela, elles ne sont pas acceptées. Comme a dit Ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous lui obéissez, c'est-à-dire au messager, vous serez guidé. Wa qala ta'ala, wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabili. Zalikum wasaqakum bi la'allakum tattaqun. Il dit certes, c'est mon chemin droit, suivez-le, et ne suivez pas les sentiers égarés. Avahu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an Abi Hurayra, rawi Ibn Bukhari, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قِيلَ وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté entrera au paradis, à part celui qui aura refusé. Et il fut dit, mais qui donc refuse au message d'Allah? Il dit, celui qui m'aura obéi entrera au paradis, celui qui m'aura désobéi aura refusé. Donc le fait de commettre une innovation et de s'opposer à son ordre est une cause de privation du Jannah, du paradis. Et comme on dit souvent dans Khutbat al-Hajja, avant de commencer un sermon ou une muhadara ou rezalika, كما جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Qu'il est dit, la meilleure des guidées, la guidée de Mohammed صلى الله عليه وسلم, et la pire des choses sont les choses nouvelles, et toute chose nouvelle est innovation. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس في الصحيحين قال فمن رغب عن سنتي فليس مني, que celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. C'est-à-dire, ce n'est pas du takfir, c'est pas que tu n'es plus musulman, mais que tu n'es pas sur sa trace, sur son suivi de son enseignement. Donc l'action, elle est vaine et n'est pas acceptée. Avahu. Donc là, c'est les trois questions prises aujourd'hui qui sont les conditions, les trois masales qu'on a prises aujourd'hui qui sont que seul Allah connaît la science de l'invisible. Tout ce qui a trait aux choses invisibles, les choses qu'il ne voit pas comme le monde des anges, des djinns, ou les Zalika, et les choses qui touchent au futur et d'après la mort. Fanian, personne ne connaît quand est-ce que l'heure aura lieu, à part Allah subhanahu wa ta'ala, l'heure qui est la fin des mondes. Et Thalithan, les conditions d'acceptation des œuvres, qui sont de deux, ce qui est très connu, et également on peut dire de trois, comme l'a cité ici le Shir, qui sont l'islam en premier lieu, ensuite la sincérité, et troisièmement, que l'action soit conforme à l'enseignement prophétique. Akaza. Fabihadal Qadr Naftafi, Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.